Bonjour et merci de suivre l'émission L'Histoire en vidéo. Alors, dans le précédent podcast, nous avions vu la date de 476 comme étant la date qui mettait fin à l'Antiquité et qui ouvrait la période dite du Moyen Âge. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre date, celle de 497. Elle est souvent considérée par les historiens comme la date fondatrice de la France. Qu'est-ce qui s'est passé en 497? C'est la date à laquelle Clovis, roi des Francs, a été baptisé par l'évêque de Reims, Saint-Rémy. Cette date est considérée donc comme la date de naissance de la France par beaucoup d'Historiens, mais pas tous. En effet, certaines personnes considèrent, surtout les spécialistes, considèrent que cette date n'a pas d'importance. Elle pourrait rester dans la part obscure de l'histoire. D'autres dates pourraient prétendre, au contraire, marquer le début de la France. Ainsi, certains considèrent que la date de la défaite d'Alésia, aux environs de 50 ans avant Jésus-Christ, est la date fondatrice de la France, car si c'est la date à laquelle Vercingétorix, ce roi celte, a été vaincu par les Romains, c'est aussi la date à laquelle les Gaulois ont pris conscience de former un seul peuple. C'est aussi l'occasion pour les historiens, surtout ceux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, d'insister sur les origines gauloises des Français pour l'opposer à l'origine germanique des Allemands. D'autres considèrent que la date de naissance de la France correspondrait plus à celle de 481, date à laquelle Clovis devient roi, roi des Francs, roi d'un petit royaume correspondant à la province romaine nommée Belgique, seconde, dévolue aux Francs pour qu'ils assurent la protection de l'Empire contre les barbares. À partir de ce petit royaume hérité de son père Childéric, Clovis pourra d'ailleurs conquérir un royaume plus grand, qui aura la taille à peu près de la France. Mais certains historiens considèrent que cette conception de l'origine de la France avec l'accession de Clovis à la royauté comme date de départ est une conception trop païenne, trop germanique, qui pourrait d'ailleurs donner de mauvaises idées aux Allemands, qui pourraient arguer de cette proximité avec la culture germanique pour envahir la France à nouveau. C'est la position de ces fameux historiens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, à une époque où les relations avec le voisin allemand n'étaient pas très bonnes. D'autres personnes considèrent la date du 11 août 843 comme la date fondatrice de la France. De quelle date s'agit-il? Il s'agit de la date du traité de Verdun, qui partage l'empire de Charlemagne en trois. Pourquoi? D'une part parce que c'est la première fois qu'apparaît, en plus dans un traité international, le mot France sous l'expression Francie occidentale, et d'autre part parce que, à côté du latin et du haut allemand, langues dans lesquelles est écrit le traité, se trouve une langue romane, ancêtre du français. L'origine de la France serait donc culturelle. Enfin, d'autres personnes considèrent que même si 497 est une date importante, elle ne peut pas être la date qui fonde l'origine de la France. Pourquoi? Parce que 497, c'est le baptême de Clovis. Et que Clovis s'est fait baptiser uniquement par calcul politique. Et qu'il avait de bonnes raisons de le faire, d'ailleurs. Et de le faire par calcul politique. Parce qu'il faut savoir qu'en se faisant baptiser par l'évêque de Reims, le roi franc, germain, païen, pouvait se réconcilier le peuple gallo-romain, qui était chrétien, et chrétien de Nicée, d'ailleurs, c'est-à-dire des chrétiens qui croyaient dans la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Contrairement aux chrétiens ariens qui ne croyaient pas dans la divinité du Christ et qui ne croyaient donc pas dans la divinité, qui ne croyaient donc pas dans la Trinité. Les chrétiens ariens étaient d'ailleurs très nombreux dans la France de l'époque. Il y avait les Wisigoths qui étaient ariens, les Ostrogoths qui étaient aussi ariens, une partie des Burgondes et d'autres parties de peuples barbares. Les Francsaliens et Ripuaires étaient restés païens, tout en restant alliés des Romains. Par contre, avec la conversion de Clovis et son baptême en 497, ces Francs païens deviennent chrétiens, et chrétiens de Nicée, c'est-à-dire fidèles à Rome, fidèles au pape. Certains donc considèrent que c'est un calcul très intelligent parce que ça permet à Clovis d'acquérir une vraie légitimité auprès de l'importante et majoritaire population gallo-romaine. Et lorsqu'il a été récompensé par l'empereur de Byzance du titre de consul honoraire après sa victoire contre les Wisigoths ariens eh bien, ces mêmes personnes y voient la suite logique d'un choix stratégique. Par un effet de domino légitime aux yeux des Gallo-Romains, légitime aux yeux de Byzance, Clovis devient donc légitime aussi aux yeux de l'Église, qui n'hésite pas d'ailleurs à lui décerner au Concile d'Orléans en 511, rassemblant les évêques de tout son royaume, le titre de fils glorieux de l'Église. Donc ce baptême est au mieux pour Clovis un moyen d'acquérir de la légitimité, en plus d'un énorme royaume, sans pour autant amender ses méthodes barbares. On sait qu'il ne respecte pas ses traités, qu'il est capable de tuer et ses alliés et ses ennemis. Preuve, s'il en est, que sa conversion donc n'est qu'une conversion de façade. C'est vrai que jusqu'à sa mort en 511, il ne changera pas ses méthodes politiques. Donc pour cette école de pensée, déclarer que 497 comme la date de naissance de la France est vraiment une vue de l'esprit. Maintenant, nous allons voir pourquoi la majorité des historiens souscrit au contraire à la thèse qui fait de 497 l'origine de la France. Leur argument s'appuie sur le récit du chroniqueur, autre proclamé de cette période obscure, Grégoire de Tours. Cet évêque, qui commence à écrire son histoire des Francs 30 ans après les faits, considère que le baptême de Clovis est la dernière étape d'un long cheminement personnel. Est-ce que ce n'est pas une réinterprétation des faits? Est-ce que c'est vraiment sûr? Clovis, en effet, n'avait pas de raison de vouloir se convertir au christianisme. Pourquoi? Parce que s'il devenait chrétien, il risquait de perdre l'appui de ses hommes. En plus, il ne savait pas vraiment la différence entre chrétien arien et chrétien nicéen à l'époque, d'ailleurs. D'ailleurs, les chrétiens ariens étaient en position de force. Donc pourquoi ne pas être un chrétien arien? En plus, intellectuellement, c'est plus satisfaisant. Enfin, il avait eu le malheur de baptiser son fils aîné Ingomer, qui était mort immédiatement après. Donc il en avait gardé un très mauvais souvenir, au point qu'il avait voulu faire la guerre à Sainte-Geneviève, qui lui avait conseillé justement de faire baptiser son fils. Son mariage avec Clotilde, une princesse qui, quoique burgonde et chrétienne nicéenne, n'y fait rien. Elle essaie de le convaincre, il refuse. Sainte-Geneviève, avec qui il entretient une longue et soutenue correspondance, n'arrive pas non plus à le convaincre. C'est un jour que, confronté aux Alamans, à Tolbiac, lors d'une terrible bataille, Clovis, qui voit que ses troupes sont en train de perdre, sont en train de se faire massacrer, adresse, dans l'angoisse, une prière au Dieu de sa femme, Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Si je gagne cette bataille, je demande le baptême. Et évidemment, il gagne cette bataille. Lié par son serment, il est contraint d'aller voir l'évêque Rémy à Reims, et c'est ce que nous dit le chroniqueur Grégoire de Tours. En 496, il commence alors un long chemin de préparation au baptême. Donc pas quelque chose de simple qui se fait du jour au lendemain. Et Grégoire de Tours insiste beaucoup sur la difficulté du roi à croire dans un Dieu qui s'est laissé crucifier, qui a pu s'abaisser aussi bas, au point même que le roi, pendant ce long processus, a failli basculer du côté de l'arianisme. Donc les choses avancent lentement, le roi réfléchit beaucoup, et le jour de son baptême, le 25 décembre 497, il devient chrétien avec 3 000 de ses hommes. Les contemporains des événements appellent ça un miracle. Clovis est convaincu d'avoir fait le bon choix, mais pas seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi du point de vue de son cœur, parce que son cœur le lui demandait. Et donc, Grégoire de Tours montre bien que parce qu'il a fait ce choix profondément enraciné dans son cœur, que ce choix est vraiment profondément intime, eh bien, il a fait aussi le bon choix, c'est-à-dire un bon choix qui a des conséquences, mais ce sont, disons, des causes secondes, des conséquences qui ne sont pas directement liées finalement au choix de Clovis, mais qui sont finalement des conséquences vertueuses, puisque, en effet, en même temps, il se réconcilie le peuple gallo-romain sans perdre l'appui de ses hommes, il acquiert une légitimité considérable qui va jusqu'à Byzance. Donc, Pour Grégoire de Tours, cette date de 497 est la date charnière qui fait des Mérovingiens la race d'élection à l'origine des souverains français. Choix de Dieu, choix politique, choix des peuples, nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir dire que 497 est la date de naissance de la France, mais on peut affirmer sans crainte qu'elle est une date fondamentale, même d'un simple point de vue historique, que l'on soit croyant ou non. Clovis meurt en novembre 511 et laisse derrière lui un royaume qu'il partage entre ses quatre fils, Thierry, et les trois fils qu'il a eus de Clotilde, Clodomir, Childebert et Clotaire. La suite dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.